grande échelle. On raconte les mêmes histoires, des histoires de séquelles qui laissent si peu d'espoir. On s'aime et on se plaise car c'est la bêtise humaine, vieille comme le monde qui sème dans nos cœurs autant de haine. On se dit qu'il est temps de faire, le deuil est passé outre. Mais dis-moi comment s'en foutre quand on est rempli de doute. On a subi des pertes, tous, et on s'en remettra. Pleurer dans ses draps, c'est vraiment pas ce qui t'aidera. Les passés sont différents, l'infidélité à la femme battue, viol au licenciement. Trop tard, c'est pris dans le ciment. Je considère ça comme une fracture majeure et pas des moindres. Je sais, y'a tellement pire cousin, j'suis pas là pour me plaindre. J'ai fallu et constate que peu importe l'état, on évolue avec le temps, ce qui me donne la force de me battre. J'ai toujours envie qu'on se tape, mais tu vois bien qu'on se tape, PD. Et l'un ou deux forcément deviendra qu'une stat. La violence est un refuge, j'ai appris à être idiot, limite odieux. Mais où est Dieu quand on se plie le dos, alors on se prend des putains de murs, sans se dire que c'était la dernière. Parce qu'y'a plus de règles, non y'a plus de barrières. La vie est triste ou pas, la chance est là pour aider ses petits. C'est la guerre éternelle, comme entre Autobo et des sceptiques. On prend le temps de survivre avec les moyens du bord, et on est libre de choisir à quel moment on virait le bord. Assombri par un soleil noir et bouilli par l'ombre, pas sûr que l'on se comprenne lorsque nous parlons. La lumière affaiblie par tant de pensées chaotiques, les yeux humides, je vois le vide d'une âme sous la carotide. Assombri par un soleil noir et bouilli par l'ombre, pas sûr que l'on se comprenne lorsque nous parlons. La lumière affaiblie par tant de pensées chaotiques, les yeux humides, je vois le vide d'une âme sous la carotide. On dit souvent que le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou inversement. Et les blessures de guerre font de nous des hommes. Suffit juste d'aller au front, sans peur et sans armes, de revenir intact, mais alcoolique, dépressif et en larmes. Je me bats contre des fantômes, pas de solution donc pas de problème. Je suis tenté quand même parce que le diable à mes oreilles chantonne. Je crois que mes péchés pèsent plus de 100 tonnes, et j'en rajoute jour après jour pour que ton Dieu s'étonne. Je peux pas m'en laver avec de l'eau ou de l'acétone, faut pas m'enlever. Ce que j'aime, il se demander qui est cet homme dark. Au cœur sombre, à l'écriture sali par ses congénères, et toujours surpris par le mal que ses congénères. Assombri par un soleil noir et bouilli par l'ombre, pas sûr que l'on se comprenne lorsque nous parlons. La lumière affaiblie par tant de pensées chaotiques, les yeux humides, je vois le vide d'une âme sous la carotide. Assombri par un soleil noir et bouilli par l'ombre, pas sûr que l'on se comprenne lorsque nous parlons. La lumière affaiblie par tant de pensées chaotiques, les yeux humides, je vois le vide d'une âme sous la carotide. Assombri par un soleil noir et bouilli par l'ombre, pas sûr que l'on se comprenne lorsque nous parlons. La lumière affaiblie par tant de pensées chaotiques, les yeux humides, je vois le vide d'une âme sous la carotide. Assombri par un soleil noir et bouilli par l'ombre, pas sûr que l'on se comprenne lorsque nous parlons. La lumière affaiblie par tant de pensées chaotiques, les yeux humides, je vois le vide d'une âme sous la carotide.